$13.35 remaining on your account. Please hold while your call is being connected. Please enter your password. You have one new message. To listen to your message, press 1 to send. First message. Hello? Bien le bonsoir, chers auditrices et auditeurs de Canal B. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz. Également, bonne soirée à tous les auditeurs sur Internet à partir du blog de l'émission asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. Alors, pour tout vous dire, j'avais hésité à faire une spéciale Cuba, mais je me suis dit que j'allais plutôt inviter un guerriero rennais en la personne de monsieur Damien Simon. Salut Damien. Salut Philippe, ça va? Oui, toi? Très bien. Donc guerriero de l'art sonore sous toutes ses formes à Rennes, tu animes la galerie Le Bon Accueil depuis 7 ans. 7 ans, ouais, j'allais dire une petite dizaine d'années, mais non. Donc dédié au son d'art, donc avec principalement des expositions. Ouais, beaucoup d'expos, quelques concerts, performances, ça dépend des partenaires et des lieux aussi. Mais voilà, tout ce qui touche au son et la musique sous toutes ses formes. Voilà. Et ce qui t'amène parmi nous, c'est un concert-performance qui aura lieu ce dimanche, donc dimanche 17 mai à 17h, très exactement, donc au Bon Accueil qui est situé sur le canal Saint-Martin, après l'Auberge Jeunesse. Voilà. Donc 10 minutes de l'hypercentre. Oui, oui, oui, dans les prairies Saint-Martin à découvrir. Avant qu'elle soit en travaux. Oui, ce qui va pas tarder. Un après-midi raga électronique avec notamment Bertuf et Janek Schaeffer. Donc, voilà. Tu peux peut-être nous refaire un peu le pitch du pourquoi de Janek Schaeffer. D'abord, en fait, ça a été une proposition de l'atelier à Évreux qui faisait venir Yannick Schaffer pour un concert. Et c'est quelqu'un dont j'apprécie les disques, mais c'est aussi un artiste qui fait beaucoup d'installations et qui a eu récemment d'ailleurs des très belles installations dans une thématique un peu de rythmé, puisque sur notamment la Deuxième Guerre mondiale, on écoutera et on en reparlera le moment venu une installation liée à la Deuxième Guerre mondiale. Mais voilà, c'est un artiste sonore qui fait autant installation, disque et compositeur, et qu'on voit très peu en France. C'est vrai. Que j'espère qu'on aura l'occasion de revoir sous forme d'installation. Oui. On verra. Et en tout cas, là, qu'on pourra découvrir sous forme de concert. Donc, il n'y a que 3 dates en France pour la venue de Yannick. Donc, on est vraiment très, très content contribuer à faire venir cet artiste avec Interzone et aussi l'atelier. Et je crois qu'il y a une 3e date à Paris le vendredi. D'accord. Donc, voilà. Oui, c'est vrai que la dernière fois qu'on l'avait pu le voir, c'était vers 2003-2004, donc ça commence à remonter, c'était au lieu unique. Donc la dernière fois qu'on a pu voir Yannick Schaffer dans le Grand Ouest, c'était une bonne dizaine d'années, donc autant vous dire que c'est assez rare ce type de performance. Oui. Donc on va écouter pas mal de choses, on va essayer de retracer un petit peu son parcours, qu'est-ce qu'il peut produire, autant niveau installation, propos sonores que musical. Il y a une bonne trentaine de disques depuis le milieu des années 90, donc on va peut-être pas tout vous proposer ce soir. Non. Non, voilà. Non, il y a beaucoup de choses, des disques, plus quelques publications de textes, oui. Sur Yannick Schaffer. Mais oui, c'est quelqu'un qui est très, très productif, mais qui est actif depuis aussi assez longtemps. Tout à fait. Et donc, on va démarrer par toute autre chose. Un autre concert que vous pourrez suivre à Rennes cette semaine. Donc, c'est ce jeudi 14 mai au Jardin Moderne, la session Cafioul qui refait venir au Jardin l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp, le combo suisso-écosso-hexagonal dans lequel on retrouve notamment l'ex-Dog Faced Hermans Wilf. Il y a aussi souvent Soc qui fait des textes pour l'orchestre tout-puissant. Donc concert à ne pas manquer ce jeudi 14, ce sera au Café Culturel du Jardin Moderne pour 5€. Et on attaque par plutôt un morceau un peu afro post-punk. Ça va être totalement différent de ce qu'on va vous proposer tout au long de cette émission qui va être plutôt de la musique électronique nouvelle. Mais on attaque donc, je vérifie s'il est bien calé, par ce disque et le fameux titre du Roto Rotor sorti tout juste il y a un an, le morceau The Ship That Said Moo par l'Orchestre Tout-Puissant. Thank you. petite sélection pour bien démarrer la semaine dans Les Îles le plus sûr, avec tout d'abord l'orchestre tout puissant et un extrait de leur deuxième disque qui était sorti au printemps 2014 sous le titre Roto Rotor. Le groupe de monsieur Maël Salétès, la moitié de l'étrangleuse à la guitare, avec ses cinq camarades de contrebasse, guitare, trombone, chant, violon, marimba, un côté un peu afro-beat et post-punk de très très bon aloi, et ça joue ce jeudi 14 mai au Jardin Moderne à l'initiative de l'association Cafioul, les camarades de Cafioul qui remettent le couvert aussi ce dimanche au Barrick. Ce sera à 21h avec du dark folk de Seattle, King Dude, que non, je ne connais pas du tout. Plus. J'écoute plus de dark folk. T'écoutes plus de dark folk, mon œil. Et The Enchanted Wood, je pense que tu vas enchaîner le concert de 17h avec celui du Barrick de dark folk, je te vois bien. Écoute, pourquoi pas. Il faut que j'écoute un dark folk quand même. Une petite paille. Hein? Une petite paille que tu ne... Non, c'est qu'il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de dark folk depuis les années 90. Et, il faut voir, quoi. Faut, il y a eu pléthore de groupes de tout à fait. Dark, il y a dark folk, folk et dark folk et dark folk. Ouais, voilà. Et donc, pas mal de choses à entendre en concert cette semaine, puisqu'il y aura aussi un concert la veille. Ce sera le mercredi 13 mai, dont je vous ai parlé déjà la semaine dernière, chez les camarades de la Maison de la Grève, au 37 rue Le Graveran, en face du bar Le Delta, avec une excellente formation de jazz free ou de noise free, avec notamment Will Gusserie à la batterie, Maxime Petit à la basse électrique, Julien Després à la guitare, et Pierre-Antoine Badarou au sax alto, et un groupe ou un projet surprise. Alors je ne serais pas très étonné que ce soit un projet de quelqu'un qui gravite autour du label et coopérative Quax Records. Tout ça c'est donc à la Maison de la Grève, bon, à partir de 21h en entrée libre ce mercredi 13 mai, et donc cette semaine aussi bien évidemment donc le concert performance dont on va pas mal parler ce dimanche 17 au Bon Accueil, avec donc Bertuf et Janek Schaeffer. Là, on entendait juste à l'instant une de tes sélections, Damien. Oui, c'est Miasma and the Carousel of Headless Horses. C'est une émanation un peu plus acoustique de Guapo. Et il y a donc notamment Daniel O'Sullivan, que peut-être on connaît un peu plus pour les amateurs de Rio, Rock in Opposition, Guapo, mais aussi pour Sonho, parce qu'on retient surtout Sonho, Aïtenor, tous ces trucs-là. Ouais. Ouais. Donc un très bon disque en fait, qui semble être passé inaperçu, ben, en tout cas, qui a 10 ans quand même. Et qui est sorti pourtant sur le label Web of Mimicry. Donc il y a des morceaux qui sont un peu plus western, comme tu disais, oui, hors antenne. Et bah, effectivement, parce que Web of Mimicry, c'est le label de... Secret Shift 3. Voilà, je ne sais plus quel gars, ça va être de Dunn ou je ne sais plus quoi. De Secret Shift 3. Et auquel a participé aussi Sullivan. Oui. Ouais, ouais. C'est voilà, un peu toute cette clique, même si lui est anglais, et plutôt assez inspiré aussi par une certaine folk un peu post-industrielle. Hein. Ouais. Notamment, aussi, il fait de la pop avec Crumbling Fuller. Oui, c'est vrai. C'est vrai, une espèce de pop un peu bizarre, lumineuse, éthérée. Oui, oui. Il vient de sortir d'ailleurs un truc avec Charlemagne Palestine. D'accord. Crumbling Fuller et Charlemagne Palestine. Donc, on écoutait Miasma and the Carousel of Headless Horses. Et je vais me ruer sur ce projet, side project, donc des gens de Guapo, qui est vraiment très très bonne. On va continuer avec un autre disque totalement décalé que tu nous as ramené. Une kitscherie presque. Oh, c'est une kitscherie. Non, c'est deux choses. C'est parce que c'est un... J'ai ça à la maison, donc. Et c'est une chanteuse. Alors, je sais pas grand chose. Hein, je me suis absolument pas renseigné dessus et je me suis jamais renseigné. C'est Stawa Przybylska, peut-être. Ouais. Si je le prononce bien. Donc, un disque que j'ai trouvé dans une braderie. Elle est polonaise. Voilà, elle est polonaise et du coup, ça nous introduit un peu à Janek Schaeffer, qui est d'origine polonaise. Et voilà. Et c'est le premier disque de que tu as offert à ton fils. Voilà. C'est ça. Hein. Qu'il a le droit de... Ça fait partie de sa discothèque personnelle, puisqu'il a sa propre discothèque pour pas toucher les miens. Et donc il passe sur son propre pick-up, non. Et sur sa platine vinyle, ouais. D'accord, ok. Et bon. Et c'est toujours. Et on va écouter si ça craquait avant qu'il l'ait touché. On lui dédie. Rappelle-moi son prénom. Dorian. Tą piosenką starą jak świat rozbrzmiewają fale eteru od lat. Darling, I love you, vous êtes mon amour. Słowa stare, kocham cię, są zawsze młode. Bo piosenka stara jak świat budzi w sercach czule wspomnienia sprzed lat. Powracają dawne młodzieńcze wzruszenia. Wokół znowu wiosna trwa. Piosenka stara jak świat nowych szuka dróg i wędruje do gwiazd. Darling, I love you płynie spoza chmur. Vous êtes mon amour śpiewa Orion i Venus. W rytm piosenki stare świat. Dziadzio księżyc z ziemią wiruje od lat. Gdy na strunach tęczy melodia zadźwięczy, serce sercu szepnie tak. Thank you. This is Warsaw calling. Warsaw calling. Warsaw calling all the free nations. Ci fanno di armonia gra, di erba di potpachi, bucci sdrovida, scendi bracci vulai, grudi che li paru, posa di catunai, nima e acca slu. Spani, grabi, crispa, azzurri, ci mai fa, son spui, jak spi. Drogi nasce, tajoi, spiva, il vuf, nasce, il vuf, taresta, pit. Ora ci fanno, le voschi, cubi, tru. Lepszych nie ma w świecie, więc dwóch kochaj swój. Na leciaków, gdy wylizisz, ta joj, wszędzie słyszysz ten świst. Leciakowski hymn, już muzyczka gra, śpiewa z nami nasze wiary ćma. Siup, ulej braci fajną, gdy harmonia gra. Pierbaby pod pachy, Bóg ci zdrowie da. Wszędzie braci hulaj, brudek chlipa rów, usali katulaj, nie ma jak nasz lwów. Szpany, graby, kryp, pazury, trzymaj fason swój jak śpit. Drogi nasze, tajoj, śpiewaj lwów, nasz lwów, ta reszta pit. Okaj braci fajno, lwowski kubit rów. Чаковський гімн, юж музичка гра, шпіва з нами наші вяри тьма. Гуле, браті, файно, гди гармонія гра, дірбави под пахи, бук чи здрові да. Шенджі, браті, гуляй, грудик тві пару, посалі катурай, німа як на жльву. Пани, граби, кріп, пазури, чи май фасон свой, як бить. Дроги наші, та йой шпівай, львув, та львув, та решта піт. Окай, брачі, файно, львовський кубіт руй, лепших німа в світі, він звук, охай, звук. Bah, toi qui t'intéresse aux EVP, aux voix fantômes, Damien, tu as servi? Oui, ça grésille. Oui, ça grésille sacrément. Oui, et donc c'était... Des voix du passé. Les voix du passé. En plus, qui viennent de la guerre. Donc c'était deux extraits de Extended Play, qui une version sur CD d'une installation sonore qui était publiée par Line, je ne sais plus quand, il n'y a pas longtemps, 2 ans, un truc comme ça, ou ouais, trois, quelque chose comme ça. Ouais. Donc de Yannick Schaffer. Et donc 2008. Ah merde, pardon. Bon, ben, ça vieillit. De Yannick Schaffer, et qui donc c'est une version pour disque d'installation sonore composée de 33 tours qui décompose une partition de musique. Et donc l'histoire de cette installation, Yannick Schaffer, c'était d'origine polonaise, et donc c'était avait plus ou moins par hasard, il dit donc sa mère était née dans le ghetto de Varsovie, de Varsovie en 42. Et à la naissance de sa fille ou de son fils, en fait, il a repensé un peu à cette généalogie, quoi. C'est... Voilà, il disait qu'il valait mieux être né à l'époque où sa fille est née qu'à l'époque où sa mère était née. Et donc de ça, il brode un petit peu autour de ça. Et donc il a découvert une sorte de registre où on présentait des musiciens polonais qui jouaient de la musique qui était diffusé par la BBC, donc des exilés de la Deuxième Guerre. Et chaque morceau de musique avait une signification secrète qui permettait de communiquer avec les résistants polonais. Et donc, il a, le jour de la naissance de sa mère, il a été voir dans ce livre, il a pris ce morceau de musique, ils l'ont réadapté et ils l'ont décomposé. Donc, le violon, genre, je ne sais plus, il y a violon, piano. Violoncelle, je crois. Oui. Et donc, ils ont décomposé la partition, ils ont fait graver des disques vinyles. Et donc, l'installation, c'est une succession. De platine vinyle vintage, et quand les spectateurs s'approchent plus ou moins des platines, en fait elles se mettent en marche à différentes vitesses, et donc c'est une espèce de recomposition perpétuelle comme ça de cette partition, un peu de musique générative comme ça. Donc voilà, très très. Donc il a édité ça sur Line, la version son donc de cette installation qui était présentée donc à peu près vers 2007-2008 à l'initiative d'un festival de musique contemporaine. On peut voir peut-être encore à Courtrai en Belgique au Festival de Flandre. D'accord. Que je salue, qui ne nous écoute pas, mais que je salue quand même. Avec lequel tu as certaines accointances au niveau du sound art, avec des projets communs croisés. Ouais. Et donc, avec ce projet, hein, Extended Play, il a été désigné compositeur britannique aussi de l'année. Oui. Voilà. Voilà. Donc, Janek Schaeffer avec son projet Extended Play. Juste avant, il s'agissait du disque de la Juliette Gréco polonaise hein, donc Madame Slava Przybylska. Voilà, qui a enchaîné tube sur tube après la Deuxième Guerre. Donc, chanteuse à franges, comme on disait. Voilà. Et à guitare, même si ça ne s'entend pas sur le disque. C'est la photo, ça, de l'album, où elle tient une guitare. Ça aurait été pour le Suisse Christian Barclay. Oui, oui, c'est vrai que c'est un très beau disque pour Christian Barclay, mais Janek Schaeffer n'est pas en reste non plus dans sa recomposition de l'imaginaire autour du son sous toutes ses formes. On va pouvoir s'en rendre compte avec une autre sélection que tu nous as ramenée, en fait. Un disque en duo, hein, je crois. Oui, alors quelqu'un qu'on retrouve régulièrement avec Janek Schaeffer, c'est Stéphane Mathieu, qui était sorti sur Chronicast, alors je ne vais pas dire l'année parce que je vais me gourer, du coup c'est 1945. Non, 2006. Ah voilà, donc c'était Hidden Name, et donc ils ont passé quelques temps dans une maison, et donc ils ont fait il y avait une collection d'instruments dans cette maison, il y avait des disques qu'ils ont enregistrés autour de la maison. Et donc, ils ont sorti ce disque sur Chronicast, qui est un label qui existe toujours d'ailleurs, qui a sorti label peut-être portugais. Portugais, qui a sorti un autre qui est Janek Schaeffer en live, qu'on écoutera peut-être après. Voilà, très bon label portugais. Que dire ? Donc, un très beau disque. On retrouve les deux. Je pense que sur les morceaux, en fait, on peut reconnaître la patte de l'un ou de l'autre. Déjà, Mathieu est assez planant, dronesque, tandis que Schaeffer reste. Encore, peut-être c'est l'évolution qu'on peut avoir, plus brute, puisqu'il est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec des platines, avec des platines vinyles transformées, notamment des platines vinyles avec 3 ou voire 4 bras, peut-être que j'en rajoute un, 3 bras au moins, et donc il travaille beaucoup sur manipulation de disques vinyles. Et là donc c'est les voix maori. Hein. Voilà. Donc on écoute Chant d'amour, ce maori. Disque Hidden Name par Stéphane Mathieu et Janek Schaeffer. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu ça pourrait presque être la BO de Twin Peaks. Ah, c'est vrai. C'est pas Damien. On pourrait faire passer Laura Palmer. Voilà. Ça montre un peu en tout cas l'étendue du jeu et des créations sonores de Janek Schaeffer, qu'on a entendu bon, tout d'abord en compagnie de son acolyte avec lequel collabore régulièrement Stéphane Mathieu sur un disque sorti par Chronica et qui était enchaîné avec un disque que j'aime beaucoup, qui était sorti chez Asphodel en 2004, qui s'appelle Songs for Europe, alors sous-titré Piosenki de la Europie. En compagnie de Philippe Jeck. Là, c'était la pièce Istanbul Drift. Et en fait, c'était un disque qui a fait suite à une série de concerts où il jouait avec des disques turcs ou grecs vers 2004-2005. Donc, Philippe Jeck, avec lequel il a dû pas mal. Avec lequel il a pas mal collaboré dans ces années-là. Et c'est pas très étonnant, puisqu'ils ont un rapport à la platine et au 33 tours qui est assez proche. Oui, ça, ils ont tous eu un travail de collecte et de manipulation de vinyle. Loin des scratchers noiseux des Otomo Yoshide et de ça, mais plutôt ces choses très atmosphériques, plutôt assez douces. Ouais. Oui. Voilà, Jeck. Je connais un petit peu moins, Philippe Jeck, qui avait notamment collaboré à un très beau disque, une reprise de Sinking of the Titanic. Oui, tout à fait. De Gavin Bryars. Oui. L'Extended Play aussi fait d'ailleurs pas mal penser à ce registre de Sinking of the Titanic, la reprise de Bryars par Jeck. Il y a une certaine proximité, ouais, vraiment une grosse proximité entre Schaeffer et Jeck. Et donc Schaeffer qui joue avec, qui a commencé à customiser une platine à trois branches, hein, comme on disait. Enfin, ouais, oui, c'est ça, qui s'en servait pour faire notamment des concerts. Donc ça lui permettait de faire une espèce d'effet de delay, enfin... Sur le même disque, d'avoir des espèces de mixage sans passer par l'électronique, oui. L'informatique plutôt, sans passer par l'informatique. Ouais, je crois que quand je l'ai vu, quand il passait au Lunik, c'est ce qu'il utilisait d'ailleurs, il y avait ce genre de lutherie un peu sauvage sur scène. Oui, exactement, c'est exactement ça, oui. Et est-ce que tu sais s'il vient avec sa Écoute, il faut que je lui réécrive parce que je ne sais pas du tout. Avec quoi il va voyager. D'accord, en tout cas ça risque d'être un sacré voyage sonore, cette performance donc de dimanche prochain 17 mai au Bon Accueil. En tout cas il disait que ça serait dans le mood d'un dimanche. D'un après-midi ensoleillé au Bon Accueil sur le canal Saint-Martin. On va continuer avec une autre de tes sélections autour de Janek Schaeffer. Oui, c'était laquelle ? Alors, je crois qu'on... Ah oui, Blackymoor, sur un autre label portugais, donc défunt label, excellent label, Sir Records, donc pas Sonic Youth Records, Sir, S-I-R-R, qui a sorti alors beaucoup de choses, j'en ai même plus la mémoire, pourtant j'en ai plein la maison. Une dizaine d'années, quoi. Ouais. Tout ce qui bougeait, des musiques électroniques nouvelles, quoi. Oui, voilà, tout ce qui était, ou musique, presque plutôt musique concrète, mais qu'on pourrait retrouver dans les sonorités des musiques électroniques, mais faites à la main. C'est peut-être ça ce qui pourrait se rapprocher le plus. Et donc ce Blackymoor, qui était un enregistrement d'un concert de Janek Schaeffer dans une villa, qui est aussi un lieu d'art. Et donc c'est l'enregistrement donc Janek Schaeffer a collecté sur place. Alors, j'ai très mal préparé l'émission parce que je ne sais plus si c'est à Porto ou à Lisbonne, mais c'est au Portugal. Tiens, je te passe la pochette des fois que tu arrives à trouver l'information, tout sinon suite, on la donnera à l'antenne après. Voilà. En tout cas, il a, donc pour l'histoire, il a trouvé, donc il a été chercher des disques. Il utilise ces disques qu'il manipule pendant le concert. Et donc, quand on écoute le disque en entier, en fait, il... Donc c'est pas repris sur une table, en fait c'est l'enregistrement du lieu dans lequel la salle a lieu le concert. Donc les micros c'est une prise de son avec l'espace acoustique plutôt qu'une prise de son assortie de table. Donc il joue aussi avec ça, puisqu'il y a un moment dans le disque, alors c'est un moment je crois qu'on n'entendra pas là, mais on entend tous les rideaux qui se ferment, puisque c'est une espèce d'écoute épochée dans le noir. D'accord, comme de la musique électroacoustique, qui ferme les rideaux. Voilà. Donc, non, c'est, du coup, c'est sur 10, ça fait un peu fantomatique. Mais donc, c'est lui qui ferme les grands volets. Donc, c'est des très grands volets, c'est une villa. Et qui, après, manipule les disques qu'il s'est procuré sur place. Voilà. Ok, bah on écoute la plage 5 de ce Black Emur sorti chez Cyr, dont s'occupait d'ailleurs Marc Behrens, qui était co-directeur. Qui a été, oui, avant de partir. Oui, qui a joué oui. Au Bon Accueil. Hein, voilà, donc c'est oui, aussi, qui a joué, je ne sais plus, c'était il y a quelques années aussi. Hein. Eh oui, on écoute Black Emur. Thank you. Et voilà, comment se faire surprendre avec une bonne tranche de son industriel. Et ben non, c'était pas fini, cette pièce de Janek Schaeffer, qui était extraite du Cold Storage, qui était suite un peu à ce que tu nous as passé, qui était enregistré donc dans une... Donc dans cette ville-là, en fait, qui est la fondation Serralves, là où Eckhart Tellers aussi a pu sévir. Et voilà, donc c'était ce live fait à partir de vinyle trouvé et pris avec le son d'ambiance de la pièce. Le Black Emir, donc sorti sur Sear Recordings, voilà. Et qui était enchaîné avec ce disque Cold Storage, qui a été enregistré dans une chambre froide, ou plusieurs chambres froides même, du côté de Rome, et sorti sur un label italien en 2004, donc presque à la même époque, hein, ou un petit peu avant plutôt même. Avant, 2010. Ouais, donc des field recordings un peu plus industriels, avec des portes qui claquent et des viandes fraîches. C'était alors à l'occasion d'un festival aussi, le festival Sony City Architect of Sound, donc pour cet enregistrement dans chambre froide. Et Schaeffer est assez coutumier, hein, de l'enregistrement de sound, de scapees, de choses un peu Il y a pas mal d'années de ça, en fait, maintenant. Il s'était assez fait connaître pour cet album où, en fait, c'était un enregistreur, donc à l'époque un mini-disque qui avait été envoyé par la poste. Et en fait, il y avait tout un système où, quand il y avait un certain niveau sonore, ça se déclenchait. Et du coup, on entendait tout le parcours de l'enregistreur. Donc tous les centres de tri où il y avait ces bruits de roulettes, de machines, ouais, et de machines ou de manutentionnaires, et voilà. Donc, après c'était un peu rigolo, l'idée était marrante, mais dans cette veine plutôt du field recordings, mais loin du field recordings de petits oiseaux tropicaux, de grenouilles en tout genre. Là c'est la vie en société, quoi. C'est musique l'homme. Anecdotique, façon Luc Ferrari, on est plutôt ouais, c'est très bas, ils sont très très concrets. Ok. Et donc on va enchaîner avec une autre de tes sélections autour de Janek Schaeffer, le disque Phoenix and Phaedra Holding Patterns, avec deux superbes gallinacés sur la pochette. Voilà, mais c'est des très belles pochettes de Spec Records, un label japonais qui a fait pas mal de sorties, qui s'est un petit peu calmé. Je crois que le dernier en date, c'est un Federico Durand, mais qui a sorti beaucoup de choses très bien. Je crois que quasiment tous les disques sont bien. Donc de international, des japonais. Donc le premier c'était Taylor Depreux, après il y a Richard Chartier avec William Basinski, je me souviens les premiers, donc vraiment tout un tas de choses, et après peut-être un peu moins connues, donc dont ce disque de Janek Schaeffer, qui montre un petit peu aussi qu'on a choisi là, parce que c'est un peu une évolution en fait des sons un petit peu plus on va dire bruts de décoffrage des débuts. Il a évolué vers des choses vraiment plus lisses, peut-être plus ambiante, plus, voilà, c'est plus chatoyant. Et donc c'est apparemment c'est à partir d'une installation de radio portative, diverses et variées, FM transmitter, Found Sound, Shruti Box aussi, et donc quantité de petites radios qui font assez fantasmer sur la pochette pour les auditeurs du 94 MHz. On écoute un extrait de un tout petit bout de ce disque, donc de Janek Schaeffer, le disque Phoenix. Some are in swamps, but truly there they are. Now they are rising together in calm swells of halcyon healing, filling whatever they wear with the deep joy of their impersonal breathing. Now they are lying in place, conveying the terrible speed of their omnipresence, moving and staying like one woman. And now, all of a sudden, they swoon down in so rapt a quiet that nobody seems to be there. The soul shrinks from all that it is about to remember, from the punctual break of every blessed day, and cries, oh, let there be nothing on earth but longing, nothing but rosy hands in the rising sea, and clovers go fresh and sweet to be undone. The heaviest nuns walk in a pure floating dark habit, eating their difficult palates. Thank you. Je pense, je sais pas si c'est limité à 80 ou 90, hein, mais cette autoroute, bon, qui n'est même pas une autobahn, hein, c'est les autoroutes de route de campagne en Angleterre, hein, vu que c'est la musique de Janek Schaeffer, qui est britannique. Alors je ne sais pas du tout où est-ce que ça a été enregistré. En fait, c'est différentes voitures qui filent avec des ondes radio enregistrées un peu de manière aléatoire, différentes fréquences FM. Donc un disque un peu autour de la recomposition du mouvement, avec des petites mélodies un peu comme ça suspendues. Oui, qui apparaissent. Ça fait penser au travail là, dans les 70 de... Eh bien, je viens de perdre de son Kraftwerk. Nom. Non, pas du tout. C'était l'œuvre pour... on roule en voiture avec la radio ouverte. Il y a des émetteurs qui sont placés... Un luthier ? Non. L'inventeur du... Enfin, l'inventeur. Du sound art américain. On va retrouver son nom. Donc ça, c'est extrait de Lay-by Lullaby, qui est un disque qu'il a sorti, donc Janek Schaeffer, sur 12K l'an dernier. Il a sorti pas mal de choses, il sort à peu près 2-3 disques par an, et il a sorti 2 disques aussi chez Decorder. Voilà, récemment là, cet hiver. Ouais. Voilà. Deux, enfin, qui, je pense que c'est un diptyque en fait. Ils marchent, deux disques qui marchent ensemble. Donc, c'est un double album, oui, vendu séparément. C'est un peu ça, quoi. Donc je pense que ça devrait aussi être un peu ce genre d'Akebi, ce qu'ils devraient proposer ce dimanche 17 au Bon Accueil. Plutôt cette veine planante. Compère. Janek Schaeffer. Je voulais qu'on parle aussi de Bertuf, notre camarade de Morgan. Qui lui donc assurera qui jouera avant, je sais pas si c'est pas mon propre team, mais qui jouera avant Janek Schaeffer, donc avec là un dispositif un petit peu spécial qu'on avait pu voir, je crois, déjà un peu à l'automne dernier, où il utilise des contacteurs à lamelles et il fait passer un jeu d'aimant et de sphères métalliques, et donc qui gère des sons. On sera vraiment dans les mêmes les mêmes couleurs, la même atmosphère, quelque chose de très atmosphérique, et un dispositif assez visuel aussi, du coup. Oui, ce qui fait en fait ces dernières années, on n'a pas vraiment de son un peu nouveau à vous passer de Bertuf, à notre grand dame, hein, donc on va le chauffer pour qu'il sorte. En fait, il fait beaucoup de collaborations, de musique pour des spectacles de danse, ou c'est vrai que sous son nom de Bertuf, il est moins productif. Oui. Donc pour rappeler les années post-rock, on a connu sous le nom de Bills. Tout à fait, qui était un des bons groupes post-rock, hein, qu'on avait à Rennes et en France au milieu des années 90, hein, soit juste terminé vers 96-97, hein, je pense quelque chose comme ça, avec quelques disques sur Goom, et des disques un peu en version aussi maxi ou des choses comme ça. On enchaîne avec une autre sélection. Ouais. Du coup, c'était... Je crois que c'est le Matteo Jerry. Matteo Jerry, voilà, sur Fluid Audio, donc un label anglais qui sort des éditions souvent très limitées, hein, parce que celui-là, c'est, je ne sais plus, 50 exemplaires, 70, donc souvent des très beaux disques, qui est un artiste italien qui travaille plutôt autour du field recordings. Donc là, ça va être un mélange de prise de son environnementale. Je pense qu'ils sont donc la pochette. On voit les fortifications Vauban du château, enfin du château de la. Oui, il faut dire du château. C'est pas un château, mais du château de Parme. Et donc ça se mélange à des instruments, une atmosphère assez mélancolique, plutôt très beau. C'est quelqu'un qu'on peut trouver sur Bandcamp pour savoir ce qu'il fait en fait. Qui lui sert de site web aussi en fait. Donc voilà, allez voir des productions très plus field recordings brut, ou comme ce qu'on va écouter ce soir sur ce label Fluid Audio, qui est plutôt un label ambiante drone, comme il y en a beaucoup. Donc c'est le Four Steps on Point. Thank you. Fallait bien que tu me ramènes une petite saloperie. Hein. Ah, c'est... Loin de moi cette idée, c'était juste pour annoncer la prochaine exposition. Ouais, c'est très très héroïque. Ah, c'est vrai que c'est un côté un peu épique, cela. Bon, ce serait même un peu une hérésie, hein. C'est du black metal nord-américain. C'est Wolf in the Throne Room, c'est l'avant-dernière ou album en tout cas. Donc c'est du Cascadian black metal. Donc, totalement végète, hein, comme tu disais. Donc c'est des, ouais, c'est des, enfin c'est des écologistes non violents. Mais voilà, mais bon, je pense que les vrais fans de black metal vont dire que c'est une hérésie, hein, parce qu'on est bien loin de Mayhem et, c'est et sûr. Des mystérieux d'Homme Satanas. Et donc oui. c'est un peu pour illustrer la prochaine expo de la galerie Le Bon Accueil. Voilà, on recevra l'artiste norvégienne Una Hamilton Helle, donc qui proposera pour sa première exposition en France son travail lié à l'univers du black metal scandinave. Mais alors, on retrouve des thématiques qu'on trouve aussi chez les Nord-Américains, c'est-à-dire l'idée d'une nature sauvage et un peu sombre dans laquelle l'homme n'est pas forcément le bienvenu. Il y aura des chouettes clouées sur le Bon Accueil. Alors non, quand on est on ne cloue pas les animaux. Pardon. Hein, on cloue les humains, mais okay. Pas les animaux. Et donc ça démarre autour du 23-24 Alors pour donc c'est en partenariat dans le cadre du festival Houdac. Et au Bon Accueil, ça démarrera le 22 au soir avec, alors attention, hein, donc en plus de l'expo, un barbecue qui ne sera pas végétarien. Ah, je laisse les Houdakiens le soin de se battre au cas où il y a des black metal végétariens qui se radinent. Il y aura aussi Antoine Ronco de la Presse Purée qui a créé le logo black metal de l'exposition, donc en sérigraphie sur t-shirt uniquement le soir du vernissage, et une sélection de All That Glitters, c'est-à-dire qu'ils ont organisé un concert le week-end dernier de death metal progressif. Ils en sont capables. Voilà, Dead Finisterian Records, je crois. Et qui feront une sélection métal pour la soirée, donc DJ Selector Métal. Ok, donc voilà, les camarades que... de Fire on the Bayou qu'on salue, et c'est un très très bon choix de les avoir invités pour une sélection. C'est eux qui avaient invité notamment l'excellent Bagarre Générale à un concert. On était trop peu pour ce vraiment très bon groupe. Pour se battre. Pour faire une baston générale à deux, c'est un peu dur. Juste avant, Wolves in the Throne Room, tu nous as proposé deux sélections qu'on va reciter. Donc le Matteo Ujiri. Matteo Ujiri sur Fluid Audio et un autre disque de drone ambiante des mystérieux Willamette qui ont sorti un ou deux disques seulement. Donc celui-ci sur On Records, qui est une musique de film par ailleurs. On sait pas grand chose sur ces musiciens qui sont pas plus productifs que ça. Mais un label donc plutôt d'art électronique, art sonore que tu suis. Oui, je suis bien, oui, ambiante. Donc on trouve notamment Melodia, Federico Durand dessus. Il y a aussi Tiny Ruins, qui est plutôt une folkeuse anglaise, je crois. Pas mal de choses. Il y avait aussi, je sais plus, j'ai oublié, un disque était très bien, pourtant que j'ai à la maison. C'est pas grave. Parce que je te remercie pour toutes ces sélections, puis notamment Jared Smith, voilà, qui fait des très bons disques. Ok. Et donc Janek Schaeffer qui se produira ce dimanche au Bon Accueil sur le canal Saint-Martin à 17h ce dimanche 17 en compagnie de Bertuf pour deux sets séparés, donc plutôt de drone électronique. Voilà, pour terminer un week-end de l'ascension de la meilleure des manières. Voilà, drone ascensionnel. Et on va se terminer avec un drone ascensionnel de Charlemagne Panistine et Janek Schaeffer. C'est un disque qui est sorti il y a de ça 2-3 ans en vinyle, deux longues pièces. Et là, je crois que c'est une pièce qui s'appelle d'ailleurs Drone ou plutôt Raga de l'après-midi. Et on entend le falsetto de Monsieur Palestine, ce qui est plutôt une très très belle manière de terminer l'Asile Obscur. Je vous rappelle que cette émission est intégralement réécoutable à partir de son blog asile35.blogspot.fr ou sur mixcloud.com/redman. Merci Damien. Merci Philippe. On écoute Charlemagne Palestine et Janek Schaeffer. femme morne et asphyxiée par l'absence de lumière, circulaient à une vitesse folle comme des fourmis. Il était 23h15, heure océanique, quand Natacha et moi sortîmes par les boulevards périphériques, roulant toute la nuit dans l'espace intersidéral, nous serons demain dans notre pays. Ne me retournez pas. If you want to know why they told you to leave, see what it's like to stay.